Before we continue with the scene in the bookshop, here's the first of three short activities. Voici la première activité. Écoutez ceci. Bonjour madame, monsieur, que désirez-vous? Nous cherchons un dictionnaire français-anglais. Écoutez encore la réponse d'Hélène et répétez. Nous cherchons un dictionnaire français-anglais. Now imagine that you're with a friend and the two of you are looking for a bank. So when someone asks, que cherchez-vous? What are you looking for? Dites que vous cherchez une banque. Say that you're looking for a bank, like this. Nous cherchons une banque. We're looking for a bank. And then repeat the correct answer. Ready? Que cherchez-vous? Dites que vous cherchez une banque. Nous cherchons une banque. Voici une autre question. Que cherchez-vous? Cette fois, this time, dites que vous cherchez un bureau de poste. Nous cherchons un bureau de poste. Une autre question? Oui. Que cherchez-vous? Répondez cette fois. This time reply. Que vous cherchez l'arrêt d'autobus. Nous cherchons l'arrêt d'autobus. Une autre question? Oui. Que cherchez-vous? Cette fois, dites que vous cherchez une boulangerie. Nous cherchons une boulangerie. Et enfin, que cherchez-vous? Répondez que vous cherchez la gare SNCF. Nous cherchons la gare SNCF.